Derrière mon sourire se cache un putain de mal-être. Quand la vie me donne des coups, ils pensent que je baisse la garde. La chronique. Derrière mon sourire se cache un putain de mal-être. Mes proches partent chaque année, j'en dédie plus d'un sur ma lettre. Comprends que c'est pas la joie ces jours-ci. On m'a dit dans ta tête, poteau t'es fort. Le temps passe et ton mental s'endurcit, okay. Derrière mon sourire ça en dit long. Pareil que le shit n'est pas loin. Que pour moi c'est l'enfer, pour cette année pas moins. Et si la haine s'amène, ben nique sa mère. J'ai une sale gueule, une sale mine. J'suis seul depuis que j'suis môme. 10 piges de plus, une putain de barbe, j'suis le même. Ok ma puce, tu fais la pute, putain t'oses me dire tu m'aimes. Je voulais simplement que tu m'aides, faire partie de la vie que tu mènes. Pas savoir en dessous de ta jupe ce que tu mets. Derrière mon sourire se cache mon vrai visage. Comme si je marchais sans identité, sans visage. Sache que ma bonne humeur cache un tas de choses. Comme une envie d'étaler ce que je ressens one shot. Je voudrais partir, changer de paysage. Fuir la routine pour cette vie qu'on n'a pas. Le succès, la réussite comme ma pas. Derrière mon sourire, des idées noires, un tas de tracas. J'enchaîne les histoires dérisoires, mon crâne sale qu'à Tracia. J'traîne ma sale ganache, Will H, Faya sous Pastaga. Une vie de bar, j'quitte la baraka. J'esquisse un sourire jaune, gourdi de jote. Car en cours, j'm'isole, j'veux décoller de la case départ comme NJ Jol. Mes frères sirotent, quelques jack masquant un sourire de merde. Donc j'soupire, mec, loin des contines, la souris verte. Ces grosses plifs d'herbe étourdies deviennent dyslexiques. Fini les textes pudiques depuis que ma rime s'exhibe. J'guette le moindre instant de bonheur où j'claque des barres. Mais à perte, c'est loin des faves que j'ai pas mes larmes. C'est un classique, laisse-moi planer. J'souris pas sans zèle. Et dans mon trip, on me dit poto, t'es pas net. J'suis seul au monde, posté sur ma planète. J'souris pas, j'suis pas les seuls à piano mon bien-être. C'est grave, tout me gaffe, y'a plus que mes notes et mes gammes. Ça va pas, à part quand j'paiera pour mes gars. J'm'égare et j'me vois foncer dans le décor. J'souris, mais c'est gore, le bonheur c'est pendu dans tes cordes. Si j'déconne, c'est qu'y'a de l'alcool à tes cons. On me dit t'es con, mais tu sais, la haine façonne. Même entouré, c'est trop, j'me sens comme sans face seul. Ma zic, les do ré mi fa sol. Un sourire en façade, y'est tant que la joie fascine. Dans ce monde où être heureux fascine. Derrière mon sourire, j'ai l'apparence d'un mec solide. Faut que je me lève, mais comme tout le monde, de temps en temps je reste au lit. Quand la flemme m'attrape, que les problèmes m'accablent. Quand la vie me donne des coups, ils pensent que je baisse la garde. Je lâche un sourire fat quand ta traîtrise fait mal bon. Je fais partie de ces sales camps, crafalé dans le fond de la classe. Mes souvenirs s'évadent, c'est grand verre de skyton. Je garde ce que j'ai sur le cœur, derrière un sourire de glace et le temps passe. Et quand on le perd, on ne le rattrape pas. Rapade grave, ça nous soulage de finir à 4 grammes. Un faux sourire pour faire apparaître être un bien-être. J'pense à tout, à part être un gars net. Derrière mon sourire se cache mon vrai visage. Comme si je marchais sans identité, sans visage. Sache que ma bonne humeur cache un tas de choses. Comme une envie d'étaler ce que je ressens one shot. J'voudrais partir, changer de paysage. Fuir la routine pour cette vie qu'on n'a pas. Le succès, la réussite comme ma pas. Derrière mon sourire se cache mon vrai visage. Comme si je marchais sans identité, sans visage. Sache que ma bonne humeur cache un tas de choses. Comme une envie d'étaler ce que je ressens one shot. J'voudrais partir, changer de paysage. Fuir la routine pour cette vie qu'on n'a pas. Le succès, la réussite comme ma part.